Piégé dans un système à sens unique. Bouge bée statique, t'es pas l'unique à avoir à tes écarts. La vie vraie soir, avoir du mal à dormir, soir, croire en soi. Ça dépend des fois, ça c'est comme ma foi. Des fois, je pense au passé, la larme à l'œil, plus d'incompréhension que de regret, je t'assure. La vie c'est dur, aujourd'hui j'en fais les vrais, excédés par les injustices, les coups de vie, c'est très triste de mes complices. Trop de monde qui t'inquiète, trop de gens sur leur planète, c'est mon poisson, mais y'a trop d'arrêtes. Arrête de penser à t'errer, de perdre ta personnalité pour des billets, c'est navrant et désolant. Les attaques, les réponses de nos faux semblants. Ne marche pas, mais le goût et le fossé un peu plus grand. Car une certitude, personne veut vivre dans la servitude. Mon attitude vient comme un manque d'études. Je t'apprends rien à la vie sans thune, c'est rude du nord au sud. La misère se calcule en étage et dans les caches salies. Les jeunes salis et font place à l'anarchie. Genre la Somalie quitte à briser sa vie. Le social se perd et si c'est judiciaire c'est vite. Servir c'est dur, servir à rien c'est pire. Aussi vicieux que la philosophie ou ses attires. Trop mal à s'en sortir. Bloqué dans un monde basé sur des jugements, où la cause est ignorée au profit des intéressés, qui dit nous délaisser, les âmes blessées finiront par s'armer. Bloqué dans un monde basé sur des jugements, où la cause est ignorée au profit des intéressés, qui dit nous délaisser, les âmes blessées finiront par s'armer. Le système de classe, comme des papiers, cette feuille de papier, l'esprit qui s'engraine un papé, mais la jouissance met des plus à voter. Pas une seule voix de côté, qui sent les bons côtés. Chacun d'eux devrait être menotté. Qui sont les bons et les mauvais. Cette question était trop fort posée. C'est un genre qu'on l'avait trouvé. Rappé à ce jour, c'est pour décliner leur discours. Sarko nous voit comme des vautours. De nos jours, tout est pas à l'eau. Comprends, je peux pas dire que je m'en bats pas les calots. Ça va tout super mental, ça sert à nazi. Les autres pays sont vrais, mais trop décalés. Donc on risque de se faire recaler. Les élections me font de plus en plus peur. Cette carte d'électeur va peut-être nous mettre dans la perte de nous sauver. Tout autre chose à prouver. Je sens comme une nostalgie, une mélancolie de ce pays qui nous classifie. Tout ça est si vrai, tout ce moment qui est le plus givré. Bloqué dans un monde basé sur des jugements, où la cause est ignorée au profit des intéressés, qui nous délaissés, les âmes blessées finiront par s'armer. Bloqué dans un monde basé sur des jugements, où la cause est ignorée au profit des intéressés, qui nous délaissés, les âmes blessées finiront par s'armer. Assiégé par la tristesse, la jeunesse de nos tristesses. Vu qu'il n'y a pas de taf pour eux se mettre au business. Et restent perplexes sur leur chance de survie. La rue nécessite une assurance vie. Et dans chaque individu y a des envies. Mais il n'y a pas de place pour les intrus. Les blancs qui rient pendant qu'on se bouffe. Des blancs qui riment à rien. On est tous d'accord, il n'y a pas de race à rien. Il y a juste des gens derrière qui nous la mettent sévère. Et si tu vénères, au change tu y perds de toute façon. Que tu perdes la raison ou te mettre dans la boisson. L'État exercera toujours leur machination. La télécom doctrine pour aller dans leur direction. Excité sous pression, mes coups de pression. De la parole à l'action pour dire que dans cette France, si t'es pas blanc mais français, tout de s'insérer. Trop souvent les mains à la gorge serrée. Population sérieuse, sérieux, ça rend nerveux. Heureux pour le son mais beaucoup ambitieux. Pour mes potos, pas taf, les gens ont les gros, ça vend du shit et de l'héros. Pour son vivre en tant que chaîne, l'illicite colle à la peau. Sarko et tout parce que trop de gens plus dans ton. Jette les plombs et les victimes dans les urnes deviennent simples. Et c'est simple à capter. De plus en plus armés, rien à perdre, rien à péter. Voilà la devise de trop de gars dans nos cités. C'est quand on balance sec, ils nous ont déjà mis dans la merde. Après tout plus rien à perdre. Nord, sud, est, ouest, faisons un cercle. Serrons les tout ça dans la perte. Je parle du système, ils débrouillent ce qu'on aime. Car pour eux c'est un problème, je peux plus le taire. Comprends nous mettre des caisses en commentaire. Ce message est pour devancer ce système. Qu'aiment nous voir avancer dans leur rangée. Je tiens à vous élancer, qu'on puisse tout lancer. Tant pis pour ceux qui veulent pas collaborer. Change des étapes dans ma salle pour la bourrer. Et là faut pas se leurrer ou espérer. Nous on veut des choses carrées, marre de les voir se marrer. Je sais qu'on t'apprend rien, mais on voit que ça change rien. On a des droits, on les fout droit, ils nous voient maladroits. J'apprends leur loi, ils se multiplient. Est-ce qu'on tient les rênes de notre vie? Bloqué dans un monde basé sur les jugements, où la cause est ignorée au profit des intéressés, qui nous délaissés, les âmes blessées finiront par s'armer. Bloqué dans un monde basé sur les jugements, où la cause est ignorée au profit des intéressés, qui nous délaissés, les âmes blessées finiront par s'armer.